Tala lokola bako selinga mpote oboyanga. Okamati nzela okena katanga, okanisi solo na boyaki yo. Na motema nanga okamati esika monene ya bolingo. Mwayenga na ningana te, mobali yonso alukanga na libala Nzambe. Na mona yempama. Ae, ae, ae, ozali mwana ya Kongo. Na mona yo motindo. Oh, oh, oh, oh, otambisi ngai moto. Ozongi Lubumbashi. Laisse-toi aimer, donc comme ici n'est malheureuse, y'a puissance qui n'a l'anda. On aurait mis aimé, baba, comme un akulise yé yote, la kine n'a coupé d'a. Na yo motindo. Oh, oh, oh, oh. Otambwisi ngai moto. Ozongi Lubumbashi. Laisse-toi aimer. Okomisi ngai malheureuse. Yebisa soki na landa. Onore miemi baba. Kama na kulize yeyote. Lakini nakupenda. Oh, cousine, c'est bon. Laisse-toi aimer. Fais-toi belle. Laisse-toi faire. On aurait mis baba.